Unité 6, 2, B. 1. Et c'est combien cette veste ? 98 euros. C'est un peu cher. 2. Et ces chaussures, ça va ? Non, ça va pas. Elles sont trop petites, elles me font mal. 3. Pardon, le rayon des vestes, s'il vous plaît. Pour homme ou pour femme ? Pour femme. 4. Vous vendez des cartes d'anniversaire ? Non, désolé, vous pouvez aller à la papeterie de l'autre côté de la rue. 5. Est-ce que vous acceptez les chèques ? Non, désolé. Et la carte bleue ? Oui, bien sûr.